des enfants poubelles qui naissent à l'appel dans des pleurs de choux, des roses à un sou. Les enfants paquets qui mettent des années à défaire les liens qui ligotent leurs mains. Tous ces enfants-là que l'on pisse au monde et que l'on baptise un saint numéro. Tous ces enfants-là forment une gronde. Ces enfants pieds beaux qu'on pisse de par où. Les enfants casse-cou qui frappent 400 coups pour venir quand même faire leur tour de peine. Les enfants cafards aux mines de vieillards qui restent étards dans une eau de mer. Tous ces enfants-là que l'on pisse au monde et que l'on baptise d'un saint numéro. Tous ces enfants-là forment une gronde. Ces enfants pieds beaux qu'on pisse de pas haut. Les enfants de lait qui mouchent leur nez dans les vieux papiers d'une mère civile. Les enfants pupilles qui ont une nation au drapeau guenon, assistant public. Tous ces enfants-là que l'on pisse au monde et que l'on baptise d'un saint numéro. Tous ces enfants-là forment une gronde. Des enfants pieds beaux qu'on pisse de pas haut. Tous ces enfants-là forment une gronde. Des enfants pieds beaux qu'on pisse de pas haut. Tous ces enfants-là forment une gronde. Des enfants pieds beaux qu'on pisse de pas haut.